Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression ? Se vérifie-t-elle tout le temps ? Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant plus tôt que prévu un enfant devenu son ami ? Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voir le livre du moment en restaurant. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Le Trésor de Tornado, le 7e épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute. Sur la plage, Tornado multipliait les allers-retours pour ramener la balle à Arthur et à Lana qui s'en donnaient à cœur joie. Moi, ça m'épuisait rien que de les regarder. En même temps, on discutait de tout et de rien, jusqu'à ce que Arthur lance une grande question. D'après vous, c'est qui le plus fort des super-héros ? Mr. Pizza. Celui qui fait des pizzas plus vite que son ombre ? Ouais, il peut emprisonner ses ennemis dans de la pâte, les faire glisser sur de la sauce tomate, il est vraiment costaud. Ouais, moi je préfère Grizzly Man. Le footballeur ? Mais non, patate, Grizzly Man, l'homme qui se transforme en ours quand il s'énerve. Il a des crocs aiguisés, des griffes énormes et une super force. Et en plus, son pelage a l'air tout doux. Moi, je pense que c'est Super Madame la plus forte. Pouf, n'importe quoi, Grizzly Man n'en fait qu'une bouchée. Ton ourson ne fait pas le poids, elle est super rapide, elle a des super yeux laser, un super souffle glacial et une super force. Pour imiter son héroïne favorite, Arthur lança la balle de Tornado aussi loin que possible. Elle fusa dans le ciel, décrivit une longue courbe et tomba dans un amas de gros rochers à l'autre bout de la plage. Tornado fila ventre à terre. Tu as été fort là. T'es sûr qu'il va la retrouver? Mais bien sûr, Tornado c'est un super chien avec une super truffe. Après quelques minutes d'attente, Tornado ne revenait pas. On marcha jusqu'au rocher, pas de chien en vue. On l'appela, on entendit un jappement lointain. Arthur escalada les blocs de pierre. Grâce à son agilité de chèvre des montagnes, Lana le rejoignit en un clin d'œil. Moi, j'étais plus proche d'un panda, poteau. Mais après quelques dérapages et égratignures, j'étais enfin avec eux. Ils avaient l'air soucieux et contrariés. Où est Tornado ? C'est tout le problème ! On l'entend, mais on le voit pas. Ces jappements semblaient tout proches pourtant. On examina le moindre recoin du tas de rochers. Et d'un coup, un aboiement résonna, comme si Tornado était juste derrière nous. Et c'était le cas. À nos pieds, Tornado s'extirpait d'un trou creusé dans la plus grosse pierre. Dans sa gueule, il ne tenait plus sa balle, mais un morceau de bois sur lequel était sculpté... Des têtes de mort ! Mais c'est génial ! Je vois pas ce qu'il y a de génial. Mais ça veut dire que Tornado a trouvé un trésor de pirate. Ou juste un bout de bois gravé par quelqu'un qui l'a perdu. Abandonné, sous terre. Impossible, il faut qu'on sache d'où ça vient. Carrément. Vous n'êtes pas sérieux? On va se glisser là-dedans. Ça doit être le terrier d'un piton des plages. Aucun risque. Le bas du rocher est plus sombre que le haut. Ça veut dire que la marée recouvre le trou. Aucune chance qu'un piton s'y casse. Ah, merci, je suis tellement rassurée. Merci, on va s'enfoncer dans un endroit qui sera inondé dans quelques heures. On va pas mourir noyé, on jette juste un œil et on remonte. Et Tornado sera là pour nous guider. Je le sens pas trop ce coup-là. Si ça se trouve, le tunnel est à pic. Je te propose un truc. On passe devant avec Arthur, et s'il y a le moindre problème, on te prévient. D'accord ? Moyen, mais ok. Tornado replongea dans le terrier, suivi de Lana et Arthur, dont les yeux brillaient d'excitation. J'attendis leur signal. Une seconde, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est bon, Iliès, tu peux venir. Tu vas voir, c'est mortel. C'est bien ce qui m'inquiète, moi. Avec autant de grâce qu'un éléphant de mer, je m'engouffrais dans l'étroite galerie. Je rampais dans le noir complet jusqu'à rejoindre mes deux amis. Ils étaient dans un tunnel où l'on pouvait à peine tenir debout. Tornado était avec eux la langue pendante. Arthur avait dégainé sa lampe torche couteau suisse porte-clés. La galerie souterraine serpentait jusqu'à se perdre dans l'obscurité. Je n'aimais pas du tout ça. J'allais faire demi-tour lorsque je vis Lana et Arthur s'éloigner. Quelle bande d'inconscients ! Impossible de les abandonner ici. S'il leur arrivait quelque chose, je m'en voudrais à vie. Je devais les rejoindre. Le problème, c'est qu'Arthur était loin devant et le halo de sa lampe était trop faible pour que j'y voie quelque chose. Je progressais à tâtons, comme une taupe. Ma main se posa sur un rocher. En plissant les yeux, je vis deux pinces et deux yeux luisants qui me fixaient. Mon cri déchira le silence du tunnel. Lana sursauta. Arthur fit volte-face et me braqua la lampe en pleine face. Aveuglé, je fis un pas en arrière et glissai sur une algue. Les quatre fers en l'air, je contemplai un moment le plafond en me demandant pourquoi je m'étais embarqué dans cette galère. Arthur m'aida à me relever. Ça va ? Rien de cassé ? Je crois pas. L'émotion me faisait tituber. Pour ne pas tomber, je pris appui sur un poteau qui soutenait le plafond et qui craqua malgré mon poids-plume. Le plafond trembla, de la poussière en tomba, puis, sous nos yeux terrifiés, se fissura sur toute sa longueur. Courez ! On détala comme des lapins hurlants. À chaque enjambée, c'était un pan entier du tunnel qui s'effondrait derrière nous. Lana ouvrait la voie, Tornado à ses côtés. Tant bien que mal, elle esquivait les éboulements. Soudain, un gros bloc de pierre se détacha devant moi. Dans un roulé-boulé magistral, je réussis à l'éviter. Arthur bondit par-dessus. Porté par le fracas et la peur, on enchaîna sauts, roulades et glissades jusqu'à ce que le sol se dérobe sous nos pieds. On dégringola une pente pour s'écraser quelques mètres plus bas. Le boucan s'arrêta, pour ne laisser place qu'à nos grognements de douleur et aux jappements de Tornado. « Tout le monde va bien ?»« Je suis entier, mais j'ai l'impression de sortir d'une machine à laver. Oh, »« Quelle aventure ! C'est fou ce qu'on vit, non ?»« On est coincé sous terre, Arthur ! Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée !»« Essaye de garder ton calme. On va trouver une solution. »« Commençons par regarder où l'on est. Arthur, tu peux nous éclairer ?» On devait se trouver dans une grotte si grande que le faisceau de sa lampe se faisait avaler par les ténèbres. Tout ce qu'on trouva, c'est le ballon de Tornado, qui, trop heureux de retrouver son jouet, multiplia les bonds de joie. Dépité, je m'affalai par terre. Quelque chose me piqua le derrière. Arthur m'éclaira, je m'étais assis sur un totem, recouvert de petits miroirs qui réfléchissaient la lumière de la lampe. C'est quoi ce truc ? Ça doit forcément servir à quelque chose. Reste à savoir quoi. On inspecta soigneusement les alentours. Je découvris un piédestal où était fixée une statuette sur laquelle le totem pouvait s'emboîter. Arthur et Lana s'approchèrent. « On fait quoi ? On essaye ? » ?»« On n'a pas vraiment le choix. » Le totem s'encastra parfaitement. Rien ne se passa. En examinant de plus près la statuette, je vis alors que son socle pouvait pivoter sur lui-même. Pas vraiment rassuré, je le fis tourner très légèrement. Un raclement de pierre résonna, puis un mince filet de lumière lécha l'un des miroirs sans plus d'effet. Convaincu que l'on tenait la solution, je fis faire un tour complet à la statuette. Le raclement redoubla. Un rayon de soleil d'une intensité sans pareille frappa les miroirs du totem qui projetèrent la lumière vers d'autres miroirs, qui la projetèrent vers d'autres miroirs, et ainsi de suite, jusqu'à éclairer toute la caverne. Oh ! C'est gigantesque ! Avec un lac souterrain ? Non mais dites-moi que je rêve. Là-bas, c'est un bateau pirate ! Je vous avais bien dit que Tornado avait découvert un trésor. Le terrifiant. Oh, c'est pas vrai ! C'est le bateau de Marie Larouze. Qui ça ? Une pirate légendaire. Son fantôme a hanté pendant très longtemps le vieux moulin. Et tu crois vraiment que c'est le moment de nous raconter une légende ? T'as raison. Il faut qu'on aille le fouiller. Il faut d'abord qu'on trouve comment sortir d'ici. Je crois que j'ai marché sur un os humain. Oh, moi, je me sens pas bien. T'inquiète, Iliès, on va s'en sortir. Si un bateau est arrivé ici, c'est qu'il y a un accès à la mer. Regardez là-bas. Le lac se jette dans ce tunnel. Le tunnel était assez large pour que le terrifiant puisse passer. Tornado sauta dans les bras d'Arthur. On avait de l'eau jusqu'à la taille, ce qui me faisait dire que le bateau n'aurait jamais pu passer. Et après 5 minutes de galère, je compris pourquoi. Un rocher gigantesque bloquait la voie. On est fichu. Peut-être pas. Il y avait des traces sur les parois. Ça veut dire que l'eau monte et descend avec la marée. Je vais voir s'il y a moyen de passer. Lana prit une grande inspiration et plongea. Une longue minute plus tard, elle remonta. Il y a un passage avec de la lumière au bout, mais j'ai pas assez de souffle pour y arriver. On va pas rester coincé ici pour toujours quand même. On échangea des regards penauds. Tornado gémit, laissant tomber sa balle dans l'eau. On la fixa tristement. Je crois que j'ai une idée. Je leur expliquai mon plan, puis tout le monde prit une grande inspiration et on plongea. À mi-chemin, Lana me fit signe qu'elle avait besoin d'air. Je pris la balle, sortis la valve, l'ouvris et la pinça en la tendant à ma cousine. Elle avala une grande bouffée d'air. Ensuite, ce fut au tour d'Arthur, Tornado, puis moi, après quoi la balle fut toute ratatinée. On reprit notre progression sous-marine. L'air commençait à nous manquer à nouveau quand je vis la surface. On émergea comme des baleineaux. Quelques brasses plus tard, on atteignit une minuscule crique. Bravo les cousins, vous nous avez sauvés. En même temps, si t'avais pas vu les traces sur les parois, on serait encore à chercher une sortie. Pas trop déçu de pas être allé sur le bateau? Un peu, mais tant pis. Par contre, ça m'a donné envie de raconter notre histoire. Tu vas commencer un carnet, comme Papistoire? Ouais, pour noter toutes nos incroyables aventures. Il a intérêt à être super gros ton carnet alors. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression ? Se vérifie-t-elle tout le temps ? Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant plus tôt que prévu un enfant devenu son ami ? Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voir le livre du moment en restaurant.